me millionnaire. Petite pute, tu me millionnaire. J't'aurais déjà fumé si j'comptais pas le bénéneuf. Autour d'un paquet de bénéneuses. Sur la Play 4 avec un joint de vénéneux. Boycotté comme le KB9. C'est l'art la robe sur leur intérêt si y'a mine KB9. J'm'en bats les couilles comme à quel élève. Et tous les bandeurs du bendo ferment la queue le love. Coffrage pour l'avocat. T'arracher ton bling bling. Calibre à la boca. Les jaloux sur mes côtes. Pour remplir les quotas. J'ai 2-3 sicarios sur le PG pour les contrats. Merde, nous c'est stupide. Fils de pute, fais de la pute ta mère. Trop rabat, j'me réveille. J'suis dans le vide sa mère. J'me rabat sur la paye. Faut que j'la vide sa mère. On l'avance, il paye pas. On lui nique sa mère, hein. Tu parles d'avoir une envie. Mais non, frérot, t'es pas prêt. Tout du bois, on fait du papier. On se lève le matin, trop d'éther, il faut des love. Ray, job, test, clock. Merde, j'suis dans Dot. Jess, Ray, job, test, job, test, job, test. J'suis dans Dot. Jess, j'veux le fond et la forme, les habits. Elle fait sa halal et j'vois ses formes devant la Bentley. T'as le boule à Amber Rose. Le potentiel pour aller pistonner le boss. T'as le fond et la forme, t'es prête, ouais. T'es dans le club, tu te diriges vers le plus blindé. Fais-lui voir la vie en rose. Et en échange, tu lui prends ses billets mauves. Tu sais, je prie pour mes ennemis. Juste avant de les allumer, ouais, je traîne avec les mêmes amis qui me fournissent les mêmes armes. Les mêmes années, j'ai les mêmes sabres. Les mêmes années, j'ai les mêmes sabres. Je prie pour mes ennemis. Juste avant de les allumer, ouais, je traîne avec les mêmes amis qui me fournissent les mêmes armes. Les mêmes années, j'ai les mêmes sabres. Rien dans Zen, on a les mêmes armes. Tu parles d'avoir un envie. Mais non, frelon, t'es pas prêt. Tout du bois, on fait du papier. On se lève le matin, trop d'éther, il faut des love. Ray, job, test, clock. Merde, j'suis dans Dot. Jess, Ray, job, test, job, test, job, test. J'suis dans Dot, Jess, hein.